بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On continue la lecture de ce livre très important et bénéfique de l'imam Mohammed ibn Abd al-Wahhab rahimahullah, le livre Kitab al-Tawhid, le livre de l'unicité. Et aujourd'hui, donc, on aura une courte leçon, on va aborder un chapitre, bi'idnillahi ta'ala. La parole de l'auteur, Bab qawlillahi ta'ala, le chapitre concernant la parole d'Allah le Très-Haut, et fait aminu makra Allah. فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ. Se sent-il préservé du stratagème d'Allah? Seuls les peuples perdants se sentent préservés du stratagème d'Allah. Tabaraka wa ta'ala. Il y a dans ce verset un point très important, qui est le fait qu'il est obligatoire à tout musulman de ne pas être leurré, de ne pas être trompé par les bienfaits qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui a accordés. Que ce soit des bienfaits palpables, tels que l'argent qu'Allah lui accorde, etc. Ou autre, que ce soit que le rang que cette personne a, le fait que les gens aiment cette personne ou autre. Nous ne devons pas nous leurrer, ou du moins être leurrés, par les bienfaits qui nous ont été accordés. Mais l'individu doit toujours être placé entre l'espoir et la crainte. Tu dois toujours donc craindre Allah tabaraka wa ta'ala. Et tu as peur concernant ta propre personne. Les compagnons avaient peur concernant leur propre personne. Et aujourd'hui, à notre époque, ce sujet, c'est un sujet qui est piège. Lorsque je vous parle de ça, souvent les gens, ils pensent qu'on va parler que de l'argent. Je ne me sens pas préservé du stratagème d'Allah, parce que Allah, il m'a donné de l'argent. Et donc, je sais très bien que ça ne veut pas forcément dire que je suis pieux ou autre. C'est vrai que je fais des péchés, mais je ne suis pas leurré par l'argent que j'ai. Ce n'est pas que ça, les frères. Tout sujet de notre vie. Certains vont être leurrés, peut-être, par le fait qu'ils ne sont pas tombés dans le grand péché, fornication ou autre. Et donc, ils vont être leurrés par ça, par le fait qu'Allah les préserve. Et ils se laissent tomber dans des fitnas en pensant que non, c'est bon. Moi, alhamdoulilah, jusqu'à là, Allah va préserver. Et donc, celui-ci, il est tombé dans ce piège. Nous devons toujours, oh cher frère, nous sentir, donc nous devons toujours, excusez-moi, nous préserver de tomber dans ce piège, le fait de se sentir préservé du stratagème d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et ce, dans tout sujet de notre vie. Tu dois craindre Allah tabaraka wa ta'ala. Craindre le fait de désobéir à Allah tabaraka wa ta'ala. Craindre le fait de mécroire. Et ça, c'est très important. Et ceci, bon, ça va faire trop de bruit après. Parce qu'on est juste en dessous. Déjà, il y a la pluie. Alhamdoulilah. Et ça va impliquer, barakallahu fikoum, celui qui a bien compris ce sujet, il va faire attention à son temps. Il va faire attention à son temps. Celui que vous voyez qui joue tout le temps, si, ça, il n'a pas encore compris ce sujet. Il n'a pas encore compris qu'il doit faire attention à apprendre, à adorer Allah, etc., etc. Parce que il se peut que le bienfait qu'il a aujourd'hui lui soit enlevé demain. Ne sois pas leurré par le bienfait que tu as. La jeunesse, la force, la santé. Ne sois pas leurré par cela. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'il a été cité dans le recueil de Nesai, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Irtanim khamsan qabla khams. Profite de cinq choses avant cinq autres. Shababaka qabla haramik. Et donc, ta jeunesse avant ta vieillesse. Profite de ta jeunesse avant de vieillir. Car lorsque tu vas vieillir, tu n'auras pas la force que tu as aujourd'hui. Et donc, profite de ta jeunesse pour prendre du bagage, étudier, pour adorer Allah tabaraka wa ta'ala un maximum. Wasihataka qabla saqamik. Et ta santé avant ta maladie. Profite de ta santé avant que tu ne sois malade. Car tu le vois autour de toi, qu'il y a des gens qui ont des situations de faiblesse, qui aujourd'hui ne peuvent pas faire des actes d'adoration comme ils le faisaient il y a quelque temps. Et donc ne sois pas leurré par le fait que toi, tu sois en bonne santé. Car à n'importe quel moment, tu peux être touché par un mal. Ne te sens pas préservé du stratagème d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc profite de ta période de santé avant la maladie. Warina'aka qabla faqrik. Profite de ta période de richesse avant ta période de pauvreté. Profite pendant que tu as pour donner, pour aider les causes du bien, avant que tu ne sois pauvre. Allah tabaraka wa ta'ala qui nous montre dans le Coran qu'il change les choses. Un jour il enrichit certains, un jour d'autres, etc. Tilkal ayyam nudawiluha bayna an-nas. Voilà, les jours nous les changeons auprès des gens. Un jour Allah il donne un tel, un autre jour il donne un tel, etc. Et donc profite que tu as des biens aujourd'hui pour en faire du bien. Et ne sois pas comme celui qui a dépensé son argent dans des futilités et qui, le jour où il n'en a plus, il dit « Ah, subhanallah, si seulement j'avais fait ça et ça pendant que j'avais de l'argent, je ne savais pas qu'un jour j'aurais été dans la situation dans laquelle je suis maintenant. » Ce qui nous trompe, c'est le mode de vie qu'on mène aujourd'hui. Aujourd'hui, tu vas mener un mode de vie, tu es employé ou tu es commerçant, ton commerce il marche bien, tu vas penser que ton commerce il va tout le temps bien marcher. Tu es employé, tu vas penser que tu auras toujours ton salaire. Tu as toujours ton salaire, toi tu as signé un contrat avec un homme, c'est ton patron, tous les mois il doit te donner tel et tel salaire. Et donc tu penses que tu as une garantie. Tu penses que tu as une garantie, non! À n'importe quel moment, Allah tabaraka wa ta'ala peut décider que cela s'arrête. Ton patron il ferme ou peu importe la situation. Ça peut être ton patron qui divorce ou qui décide de changer de pays ou je ne sais pas ce qui se passe. Il décide de fermer sa société, allez, qu'Allah vous facilite, allez chercher du travail maintenant. Tu ne sais pas. Il y en a qui ont étudié, ils ont étudié la médecine et hop, ils ont fait des années d'études. Ensuite, on leur a dit maintenant que vous avez fait toutes ces années d'études, que vous ne savez faire que ça, que vous n'avez pas d'autre formation que la formation que vous avez faite dans la médecine. Eh bien, sachez que maintenant, si vous voulez continuer, ils vous font un vaccin. Ils ont dit mais non, ce vaccin-là, je n'en veux pas. Ils ont dit qu'ils ne voulaient pas de ce vaccin. Et jusqu'à aujourd'hui, ils sont au chômage. Jusqu'à aujourd'hui. J'en connais personnellement. Jusqu'à aujourd'hui. Wafararaka qabla shughlik. Et profite du fait que tu as le temps avant que ne vienne la période où tu seras occupé. Les gens, quand ils ont le temps, ils trouvent du temps. Au lieu de profiter de ce temps pour faire de bonnes choses, on est là à perdre du temps dans des futilités. Et un jour, tu vas te retrouver occupé à courir à droite, à gauche. Et ça me rappelle les périodes de Talib al-Ilm. lorsque tu es là, tu fais ton level ilm, tu étudies la science, beaucoup ne réalisent pas le bienfait dans lequel on est. Et donc ils vont perdre du temps à droite à gauche. Et lorsqu'ils retournent dans leur pays, et que quand tu retournes dans ton pays, il y a les sujets de dunya, de ce bas monde, tu dois courir à droite à gauche, etc., t'occuper de tes enfants. Là, ils se disent, subhanallah, j'avais pas bien saisi quand on était là-bas, que j'aurais dû profiter à fond. Parce que aujourd'hui, je suis occupé maintenant. Et donc, c'est important, oh chers frères, qu'on profite de cela. Le fait qu'on peut se réunir à la mosquée, on peut faire le rappel d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Moi, je trouve que c'est pas normal que dans le Nord, on ait parfois aussi peu de motivation pour participer aux assises de rappel. Normalement, toutes les assises qu'il y a, on doit participer. Parce que tu es en train de préparer ton au-delà. Toutes les assises qu'il y a, tu vas participer normalement. Parce que tu connais le bienfait qu'il y a dans ces assises de science. Tu sais que c'est une cause pour faire monter ta foi, pour te rapprocher d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Que ce sont des jardins parmi les jardins du paradis. Tu veux des jardins parmi les jardins du paradis? Mais j'ai dit cette dique, les assises de rappel. Comment est-ce qu'on fait pour éviter ça? On est là en Martinique, hein, l'île de la tentation, et elle dit des assises de rappel, on n'y va pas. Comment tu veux faire monter ta foi pour te préserver face à toutes ces tentations qu'il y a autour? C'est très important qu'on fasse attention à préserver notre foi et à faire les causes pour nous préserver nous-mêmes, augmenter notre foi, augmenter notre science. Nous devons profiter du temps que nous avons. Et je dirais même, normalement, même les frères du centre, normalement, même eux doivent monter. Même eux, ils doivent monter. Vous savez quel est le gros problème de la société musulmane aujourd'hui? Je vous le dis, les gens n'accordent pas d'importance aux assises de rappel. Ça veut dire que l'assise de rappel, si elle n'est pas faite devant chez moi, j'y vais pas. Il faut que ça soit le cheikh ou l'enseignant qui vienne devant chez moi. S'il ne vient pas devant chez moi, je ne vais pas aller jusqu'à chez lui. C'est la mentalité des musulmans aujourd'hui, de beaucoup de musulmans aujourd'hui. À l'époque, les gens ils voyageaient pour aller prendre la science. Moussa alayhi salam, il a voyagé pour aller jusqu'à le Khadir. Les tabi'in, ils ont voyagé pour aller jusqu'à chez les compagnons pour étudier. Et c'est comme ça que ça se passait. Les gens, dès qu'ils entendaient parler d'un savant, tel et tel savant, dans tel endroit, ils y allaient. C'était pas, ah, on attend qu'il vienne chez nous et quand, une fois qu'il est là, on va profiter, Inch'Allah. Le fait de se déplacer du nord au centre pour aller au cours, ou du centre au nord, non, ça c'est trop difficile. C'est trop difficile. Comme s'il y avait une heure de voyage. Il n'y a pas une heure de voyage. La seule personne qui a une heure de voyage ici, c'est moi. Du Marigot à Fort-de-France. C'est moi qui ai une heure. Les autres, ils n'ont pas une heure. Et donc, c'est pas normal qu'on ait autant de laxisme et qu'on laisse des heures et des heures et des heures de rappel passer comme ça, sans y profiter. Profite de ta jeunesse. Profite du temps libre que tu as avant que tu ne sois occupé. Wa hayataka qabla mawtik. Et profite de ta vie avant ta mort. Profite du fait que tu sois vivant, car lorsque tu, au moment de ta mort, tu n'auras que, donc tu n'auras plus tes œuvres, tu ne pourras plus œuvrer. Alors œuvre maintenant, avant demain. Dans Sahih al-Bukhari, selon Omar radiallahu anhuma, qui dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam m'a saisi par l'épaule. Et ensuite, il a dit « Kun fit dunya ka annaka gharibun aw abiru sabilin. » Sois ici-bas comme si tu es un étranger ou un voyageur. Comme si tu es un étranger ou un voyageur. Un étranger, comment il est? On en a un ici. Comment il est un étranger? Il vient en Martinique. Est-ce qu'il va chercher à acheter une maison ou un appartement? Non. Il ne va pas chercher à acheter, parce qu'il n'est pas venu ici pour rester. Il n'est pas venu ici pour rester. Il est venu ici pour faire ce qu'il a à faire pendant quelques temps, et il repart. Il ne va pas chercher à faire les causes pour rester en Martinique. Et donc, ici-bas, dans la vie de Dounia, sois pareil. Ne fais pas les causes en pensant que tu vas rester ici-bas tout le temps dans la Dounia. Non, c'est l'au-delà qui t'attend. C'est ça le plus important. Le plus important pour le voyageur, pour l'étranger, ce n'est pas de préparer sa vie ici en Martinique. C'est après la Martinique, qu'est-ce qu'il va faire? C'est ça qui compte pour lui, parce qu'il sait qu'en Martinique, il va passer 1 an, 2 ans, allez, 3 ans, vraiment, si, mashallah, il tombe will, s'il fait longtemps. Mais il sait que la majeure partie de son temps sera à l'extérieur. Et donc, il s'organise pour préparer le moment où il va partir pour être bien quand il va retourner chez lui. Il s'organise. Et pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ça pour le dîner? Organise-toi, prépare-toi afin que tu sois dans une bonne situation dans l'au-delà. Profite des bonnes occasions que tu as, des occasions qui te donnent des hasanettes. Apprends ta religion, rapproche-toi d'Allah, fais des actes surrogatoires. C'est pas acceptable, mon cher frère, qu'on soit ici en Martinique et que parfois, pour que des gens puissent venir à la mosquée, et je ne parle pas d'ici du Nord, hein, parce que ce sujet-là, on en a parlé au centre, à Balata. Comment on fait venir, comment on va faire pour motiver les gens à venir à la mosquée? Ah, on va faire un repas. Allez hop, on fait un barbecue. Allez, on fait un barbecue, et là, machallah, la mosquée, elle est pleine. Il n'y a pas de barbecue? Un rang. Allez, un rang et 3 personnes dans le deuxième rang, si vraiment, machallah. Est-ce que vous pensez que comme ça, on a compris que nous sommes des voyageurs ici? Non, on n'a pas compris. Les gens, ils pensent qu'ils vont rester dans Dounia, Dounia, Dounia, Dounia tout le temps. Non, on n'a pas compris que on est de passage ici. Et c'est pour cela qu'Ibn Omar, radiallahu anhu, qu'est-ce qu'il disait? Il disait: Ida asbahta fala tantadhir al-masa wa ida amsayta fala tantadhir as-sabah. Et donc il disait, Ibn Omar, radiallahu anhu, lorsque tu te retrouves à l'aube, alors n'attends pas la soirée. N'attends pas la soirée, tu n'es pas sûr de vivre jusqu'à la soirée. Il se peut que tu meurs bien avant. Et lorsque tu te retrouves en soirée, alors n'attends pas l'aube. Tu ne sais pas si tu vas te réveiller demain. Mais le problème, ici, il me remarque, il nous montre qu'il faut qu'on arrête d'avoir donc des pensées lointaines. Je vais faire, je vais faire, je vais faire, je vais faire. Harry, déjà, prépare déjà ton arc-là maintenant, avant de me dire je vais faire. Hein? C'est comme le oui, je vais apprendre, Inch'Allah. Je vais faire, Inch'Allah. Fais maintenant. Maintenant, pendant que tu es là, n'attends pas demain, ne me dis pas, Inch'Allah, dans tant de mois, je vais commencer à faire des cours. Maintenant, tu ne sais pas si demain tu es vivant. Comment ça tu me parles dans tant de mois? Et donc, commence dès maintenant à apprendre ta religion. C'est important. Et donc ce sujet, il est très important. Barakallahu fikoum. Et donc on comprend que les gens, les bienheureux, les gens qui ne sont pas parmi les perdants, les gens qui ne sont pas parmi les perdants, ces gens-là ne désespèrent pas, ou du moins ils ne se sentent pas préservés du stratagème d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ensuite, l'auteur, il nous cite, rahimahullah, la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ. Subhanallah. Et donc il nous dit l'auteur, rahimahullah, il nous cite la parole d'Allah. Et qui désespère de la miséricorde d'Allah, sauf les égarés. Et donc, on a vu le premier point, c'est que nous ne devons pas nous sentir préservés du stratagème d'Allah. Et donc, on ne doit pas avoir trop d'espoir. Oui, je sais, je vais réussir. Je sais, je vais au paradis. Je sais. Non, tu ne dois pas avoir ça. Et même chose de l'autre côté, tu ne dois pas désespérer de la miséricorde d'Allah. Et donc, on revient à ce sujet qu'on a répété plusieurs fois, le fait que nous devons forcément avoir avec nous la crainte et l'espoir. Tu dois craindre Allah, tabaraka wa ta'ala. Fais attention, préserve ton temps, fais des actes de bien. Et tu dois avoir l'espoir. L'espoir de la récompense d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Ne désespère pas. Ah, je sais, c'est difficile. Les gens, ils critiquent. Les gens, ils font ça. Les gens, ils te rabaissent, etc., etc. C'est difficile. La famille, parfois, ils ne te soutiennent pas par rapport à ta religion. C'est pas facile. Ne désespère pas de la miséricorde d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Car les prophètes n'ont pas désespéré. Il se peut que parfois tu vois quelque chose qui est étonnant, inhabituel. Mais tu ne désespères pas. Tu ne désespères pas. Et donc on voit que le fait de désespérer de la miséricorde d'Allah, cela fait partie des caractéristiques des égarés. Ensuite, l'auteur qui nous dit « Wa an ibn Abbas, radiallahu anhuma, anna Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam, as-su'ila anil kaba'ir, faqala ash-shirku billah, wal ya'su min rawhillah, wal amnu min makrillah. » Selon Ibn Abbas, radiallahu anhuma, que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, fut interrogé concernant les grands péchés, et il a dit « L'association envers Allah, le fait de désespérer de la miséricorde d'Allah, et le fait de se sentir préservé du stratagème, d'Allah. » Ce hadith, les savants du hadith, beaucoup de savants du hadith, ils disent que ce hadith est faible lorsqu'on l'affilie au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais sinon la parole, le plus juste, c'est que c'est la parole d'Ibn Abbas. Et donc Ibn Abbas qui nous dit que parmi les grands péchés, il y a le shirk. Et ensuite, il y a le fait de désespérer de la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala et le fait donc de se sentir préservé du stratagème d'Allah. Et c'est là qu'on voit que ce chapitre est lié au tawhid. Ce chapitre est lié au tawhid. Tu ne dois pas désespérer de la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala, et si tu le fais, cela montre une faiblesse dans ton tawhid. Car dans le tawhid, tu dois donc avoir une bonne opinion de ton Seigneur, tabaraka wa ta'ala. C'est très important. Ne pense pas que ton Seigneur, tabaraka wa ta'ala, délaisse les croyants. Et donc ce cours, ce sujet, est lié directement au tawhid. Barakallahu fikoum. Et ensuite, le dernier texte qu'il nous cite l'auteur, ici dans ce chapitre, la parole d'Ibn Mas'ud, qui nous dit aussi donc Akbarul Kabair, le plus grand des grands péchés, El Ishraku Billah, l'association envers Allah, Wal Amnu Min Makrillah, le fait de se sentir préservé du stratagème d'Allah, Wal Kunutu Min Rahmatillah, ainsi que le fait de désespérer de la miséricorde d'Allah et de son soutien. Et donc ici, il ne veut pas nous citer, il ne veut pas nous dire que les kebair, les grands péchés, ou les plus grands des grands péchés, ne sont que dans les péchés qui ont été cités. Mais il a cité quelques exemples, et parmi les exemples qu'il a cités, il y a ceux qui sont voulus dans le chapitre du jour. Et ça nous montre que ce sujet, ça nous montre que ce sont des grands péchés. Tu ne peux pas désespérer de la miséricorde d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Tu dois toujours espérer. Que ça soit au niveau de la santé, que ça soit au niveau de donc des récompenses par rapport aux actions, tu ne dois pas que ça soit au niveau de la guider. Ne désespère pas. Et son contraire aussi, ne te sens pas non plus, donc ne t'en sens pas préservé du stratagème d'Allah tabaraka wa ta'ala, que tu ne pourras pas t'égarer, etc., etc. Donc nous devons toujours avoir la crainte. Et l'espoir. On va arrêter là pour aujourd'hui, inshallah ta'ala. Wa faqallahu jami'a lima yuhibbuhu wa ardahu. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.